Mais Dieu aidant, la haine me viendra au bon moment et m'aveuglera. C'est le portier. Le grand-duc ira au théâtre demain. Il faut que tout soit prêt, Dora. Oui. Je le tuerai avec joie.